Hier soir j'ai rêvé du culinane. J'étais dedans avec Viviana. J'achetais des diamants chez Aviani. J'peux pas aimer toutes les Tatiana. Le drip est d'Europe et la dope de Cali. 150 000 sur le as de Tammy. Ton rappeur préféré consomme des Mali. Les groupies m'adorent quand j'leur donne des Harry. Salope, y'a que ta bouche qui est pleine de sauce. J'fabrique des wins avec quelques loss. Y'a beaucoup de bosseurs mais y'a quelques boss. Eh oui, beaucoup de bosseurs, quelques boss. On a vu cette semaine, après la week one, qui étaient les vrais boss et qui étaient les putains négritos de bosseurs. Wrath du Black Lives Matter. Ok, boys. Welcome to Puffcast 2. Yeah, yeah, you know. On est de retour cette semaine. Grosse semaine, première semaine. Thanks à Matt. Shout out à Matt pour le host. C'était de la méga. Putain qu'on a pris des livres. Putain qu'on a mangé des calories. Mais putain que c'était bon, bébé. Ça fait du bien, le comeback du football. Donc, boys, je vais pas m'attarder trop longtemps. Retour sur les games. On va commencer avec, on vient de l'entendre, bouche pleine de sauce, qui vraiment s'est étouffé cette semaine tellement qu'il avait plein de sauce dans sa bouche. Contre Wong Yi's team, a.k.a. la mienne. Du rocher, après jeudi, tout le monde était comme « damn ». Ok, le gars, il est là, puis ses joueurs ont « pull up », puis ok, ça va être une bonne game. Moi, le premier. Quel clown, ce mec. Quel putain de clown. Il croyait vraiment que j'avais peur, là. Je lui ai foutu une bonne. On regarde ça. Prescott perd contre Mahomes, on s'y attendait. Joe Mixon perd contre Johnson, c'était vraiment mauvais. Par contre, qu'est-ce que j'ai à dire à part fucking Calvin Ridley, bébé. 39 points. Oh, puis guess what? J'ai aussi Adam Thielen. 31 points, bébé. Don't fuck with me. Oh, me? On garde. Fait que c'est ça, boys. Du rocher, je t'ai décassé. Tout ce que j'ai à dire. Ensuite, EVD contre Smash de TT. Smash de TT. Grosse game. J'ai même quelque chose à te faire écouter. Celle-là, tu l'as pas entendue en fin de semaine. Donc, écoutez attentivement, les boys. Caps about to punch it in the end zone. They're in the red zone to be 18. And Manning going to the end zone for the touchdown. Evan Engram. Swatsky. Qui s'en allait remonter Matt, qui avait déjà qui a pris l'avance tôt en début de journée, puis que Swatsky a cru, il a travaillé fort. Puis moi qui le vante au début du draft, hey Evan Engram, c'est le vol du siècle, nanana. Evan Engram pulled up un 2.9 points quand il avait de fucking 3 points. Good job, Matt. Grosse team pour de vrai, Matt. Ilya, Jackson, 27 points chaque, ça fait mal. Mark Andrews, 22 points. Ce duo-là, Lamar Andrews, en même team, j'étais pas sûr finalement. Wow. Jonathan Taylor a été propre. Là, en plus, Marlon Mack blessé. Fait que Taylor va prendre encore plus de carries. Fait que gros, c'était une bonne performance de Matt de toute passe. Swatsky s'est battu jusqu'à la fin, mais c'est tout fait avec sa graine finalement. Donc, c'est ce qui fait le tour de ce game-là. Et ensuite, j'ai un invité spécial. Premièrement, je vous laisse deviner le prochain duel par la trame sonore qui suit. Et oui, les MILF Hunters qui se sont fait donner une esti de leçon telle que vous l'avez entendu contre Lockdown the Hose. Donc, je l'appelle à l'instant pour voir ses commentaires et voir comment il a vécu ça. Yo. C'est bien Lockdown the Hose à qui je parle? Oui, c'est moi. Ok, monsieur Lockdown the Hose, bienvenue au podcast numéro 2. Ça sera pas trop long, mais je voulais te féliciter, bro. Sacrament que Lockdown the Hose ont pas laqué cette semaine. Violente leçon donnée aux MILF Hunters. Gros, j'aimerais entendre tes premiers mots face à ta victoire. Puis, suite au dévoilement du Power Ranking la semaine passée, j'ai on était, moi et l'équipe de ici à Lockdown the Oz, on était sous le choc. Évidemment, quel animateur Lacan en présence de lui. Donc, on ne s'attendait pas à grand chose de plus que ça, à la Booger, tu connais. Fait que, non, c'est ça. En général, moi, je savais que j'allais donner une violente leçon à M. Brandy Love en question. Mais ouais, c'est pas mal ça, là. Attends. Je leur faisais Rose sur pas mal de mes picks, mais qui se sont avérés plutôt juicy, entre autres Josh Jacobs, ouch. Ah, c'est ça que j'allais te dire. Josh Jacobs, je pense que t'es allé faire des gros vols du draft. Gros. Avec McCaffrey, ça va être disjoncté, là. Ouais, je sais. Puis, Kyler Murray. J'ai pogné deuxième ou troisième round, là. J'étais quand même allé reach tôt, mais il y avait quand même glissé. Non, ah, il est tôt à sortir, là, il valait cher, puis tu l'as eu quand même tard, comme tu dis. Puis gros, Kyler Murray, c'était assez impressionnant, là, sa game avec sa nouvelle connexion avec D-Hops. D-Hops, il avait le plus de catch qu'il a fait dans une game ever. Ouais, je sais ça, je pense que ça va être un gros duo, là, surtout que même Christian Kirk, man, je sens qu'en milieu de saison, ça va avoir une grosse connexion, puis la raison que c'est chez Kyler, c'est qu'il court comme un malade, là. Ah, c'est un petit animal, là. Sa course sneaky, là, est excitante. Ah, et puis gros, t'as-tu checké le match-up de cette semaine? T'affrontes Bush Pillen de Sauce, qui a une équipe assez disjonctée, merci. Ouais, encore une fois, moi, je m'attends à une grosse performance de mon équipe, là. Puis, by the way, que tu disais à mon podcast, comme un vieux rabbin, que t'es mort à l'élac. Gros, tu disjonctes, en fait. Gros, Teddy B, je sais pas si t'as checké à la game, il va sortir des grosses performances. Puis avec McCaffrey dans le back, ils ont juste pas le choix de tout le temps mettre quelqu'un dessus. Fait que je pense que ça va ouvrir les portes pour DJ Moore, man. Il va avoir une grosse saison encore. Man. Il project 15 points, mais moi, je m'attends un peu plus de 20 points. Arrête, mais gros, j'avais vraiment plus Rose Robinson. Puis ouais, là, je sais pas si t'as entendu les dernières nouvelles, il chiale pas possible. Ah, il chiale. Un petit trade en vue, peut-être, qui pourrait faire augmenter ses points en fantasy aussi, qui sait. Ok, parce que, ok. Que, il peut pas tomber avec un PQB, sorry. Ouais, ça c'est sûr. Heavy D. Heavy D de son prénom. Hey, Ted, ben gros, that's it, je suis content d'avoir récolté tes commentaires de la semaine, là. Tu méritais un appel, gros, avec la violence. T'avais de la plus de points dans toute la ligue. Je tiens à le préciser, là, t'aurais battu tout le monde, fait que continue à lockdown les hosts de même. Parfait, on va l'occuper. Hey, ciao. Voilà. Et oui, vous avez bien reconnu la chanson Mad World de Gary Jules ou whatever the fuck son nom est, je m'en crisse. Probablement cette tune que Gauvin a écouté lundi matin en se levant, en fumant son petit bat. Premier bat de la semaine lundi matin, il se réveille bien triste. Bien, bien triste parce que Tyler Higby ne fait qu'un vulgaire 7 points. Cooper Kupp ne fait qu'un vulgaire 8 points. Gauvin qui allait double team sur les Rams, je l'ai dit au début, double team, c'est quand même risqué, tu sais, faut que ça soit bon. Mark Andrews, Lamar Jackson, c'est bon, mais comme Cooper Kupp, Higby, c'était risqué. Puis en plus, Nick Chubb pulled up un 5 points. Kareem Hunt a eu bien des touches. Gauvin, c'était triste pour toi, man. J'aurais aimé ça que tu battes. C'est comment? James, a.k.a. Mange-moi le cul. Fait que c'est that's it, Gauvin, je suis désolé, mais la victoire va à Mange-moi le cul qui Dalvin Cook, 21 points. Carson, 24 points. Julio, 24 points. Lockett, 17 points. Son équipe s'est présentée, pour vrai. Sony Michel, j'aime moins. Kittle, pas fait sa meilleure game pour d'avril. Il va faire des games plus intenses que ça. Je sais qu'il est un peu blessé, là. Fait qu'à suivre. Donc, that's it pour le recap. Juste vous dire, boys, avec mes prédictions de la semaine passée, je suis 4-4. En fait, 4-0. On va garder le record jusqu'à la fin de la saison, mais je pars 4-0. Ça me surprend pas pantoute. Donc, that's it. On va passer maintenant au match-up de la semaine. Donc, cette semaine, on va y aller avec le premier match-up. MILF versus Mange-moi le cul. MILF Hunters versus... Oups, excuse-moi, faut que je change. MILF Hunters versus Mange-moi le cul. Ma prédiction cette semaine, les gars, je regarde ça. C'est Russell Wilson contre Deshaun Watson. Jeune à victoire Wilson. Derrick Henry à Jacksonville contre Dalvin Cook. Ça va être serré, mais Derrick Henry peut pull-up. Malgré que je pense qu'il est un peu blessé. Dalvin Cook vient de signer son contrat. Dangereux comme toujours. Ensuite, Ronald Jones au running back. Zach, sorry, mais ça fait pitié tes running backs. Pour de vrai, là. Ça fait vraiment pitié. Contre Carlson. Carlson va le détruire. Sorry. Après ça, Emmanuel Sanders. Oui. A quelques légères blessures. Par contre, Thomas n'est plus là. Est-ce que Sanders va connaître une grosse game contre Las Vegas qui a accordé beaucoup de verges la semaine passée? Julio affronte Dallas. Donc, c'est sûr que Sanders va falloir qu'il pull up. Hopkins contre Lockett. Je pense que je vais donner à Hopkins. Il affronte Washington. Zachers, Kittles. Ça va être pas mal égal, ça aussi. Gordon contre Mostert. Ouf, dur à dire. Mais je pense overall, là, le manque de profondeur chez Zach puis son équipe la compte va encore se faire manger le cul par. En fait, va manger le cul à James et son équipe, mange-moi le cul. Donc, je donne la victoire à mange-moi le cul. Ensuite de ça, on a Evidy contre Gauvin. Evidy, grosse semaine l'année passée. Gauvin s'est fait violer un in-game. Va certainement vouloir prendre sa revanche. Puis cette semaine, je regarde les match-ups des deux bords. La victoire, selon moi, c'est Govinator qui l'a là. Aaron Rodgers, quel game il affronte Détroit, qui ont laqué dernière game contre les Bears, c'est un shitball. Kenyan Drake à Washington, ça peut être fort. Après ça, Singletary à Miami, ça peut être fort. Devonta Adams contre Détroit, s'il continue ce qu'il a laissé, il va tout péter. Tyreek, les gars, je vous le dis, il va faire des games comme cette semaine, pas tant, tu sais, un peu, mais à un moment donné, il va te pull up un 30, 34 points, puis Matt va être, Gauvin va être content de l'avoir. Higbee, rien à dire, on va sauter au prochain. Cooper Kupp, je pense qu'il peut se réveiller, là, contre Philadelphie, ça reste à voir, il y a une grosse défensive contre la passe. Peut-être que Gauvin va apporter des ajustements aussi dans son line-up d'ici là. Mais quand je regarde ça sur papier en ce moment, là, même si Matt est revenu une grosse semaine, je donne la victoire à Gauvinator, il y a une solide team. Ensuite, bouche pleine de sauce contre Lockdown the Hose. Affrontement entre deux personnes assez spéciales. Du Rocher s'est fait donner une leçon dernière semaine par moi. Est-ce que Lozier va. Est-ce que dans le fond, moi et Lozier, on va incarner un peu sa photo? Je sais que j'en reviens encore, mais elle me fait plus tellement trop rire. On l'a eu tantôt sur le show, là, donc on est. Je pense que Lockdown the Hose, ça va être assez. On va se passer le Du Rocher comme si c'était une vieille truie, là. Ça va être assez funky, merci. Il va le décaler ici. McCaffrey, Josh Jacobs, Watt et al. Moore qui a bien performé, il m'a envoyé chier, puis c'était mérité pour vrai. Puis à suivre pour le reste de l'équipe, mais je pense juste qu'à McCaffrey, Jacobs, Murray, là, juste à ça, là, tu gagnes des games easy, là. Ça va être fou, raide. Bonne chance à la bouche pleine de sauce qui en aura certainement besoin pour pas être 0-2. Ça laquerait, pas possible. Et enfin, Smash de TT contre Wong Yi Steam. Difficile à dire, difficile à dire. Je regarde ça va être un match-up très serré. QB, je me donne l'avantage avec Prescott contre Brady. Ensuite, running back du Rocher du Rocher Swatski va me donner une petite leçon. Là, il y a Kamara Jones qui affronte Mixon et Clyde. Je pense que je vais perdre le niveau running back. Ensuite, par contre, Thielen, Marquise Brown, excuse, puis Darren Waller avec Calvin Ridley. Je pense que les gars, vous l'avez vu la semaine passée, ça va être dans le même all season long. J'ai tellement de profondeur, c'est running et c'est wide receiver, by the way. Ben, si vous voulez faire des trades, tabarnak de la misère, des trades avec ma team. Feel free de slide dans mes DM. Je trouve qu'il n'y a pas encore assez de trades là. J'espère que ça va s'activer cette semaine, boys. On demande de l'implication, s'il vous plaît. Puis tout ça pour dire, j'affronte Cooper, Godwin, Engram qui a laqué. Bob Woods peut bien faire, mais en tout cas. Je suis assez confiant dans celle-là encore. Je pense que la différence entre mes mauvais running backs et ses bons running backs va être moins grande qu'entre le reste de ma team. Il n'y a pas une team ultra profond là. Si je regarde qui peut mettre sur son bench, ça laque un peu là. Malgré qu'il n'est pas si payé, en tout cas. Je pense que je vais gagner contre Swatski. Les points projetés, j'ai pas regardé. Et tabarnak, c'est projeté 115,62 Swatski à 115,57 moi. Je vais y aller de mon côté, c'est sûr. Donc, that's it. Donc, ça fait le tour pour cette semaine, boys. Free agents, faites vos bids pour demain. La semaine prochaine, je vais revenir sur les bids des gars, là, mais là, on a les bids, dans le fond, vous avez, je pense, jusqu'à ce soir, demain matin, ils vont sortir qui a gagné pour les free agents. Comment ça fonctionne? Si vous vous en rappelez pas, vite, vite, vous avez 100$. Vous dépensez, vous pouvez bêter sur des gars. Si vous avez le gars à votre prix, c'est parce que vous étiez le plus cher. Par contre, vous perdez l'argent que vous avez bet dessus. Et vous perdez pas l'argent que vous avez bet sur des gars que vous aurez pas. Donc, that's it. Puis, on se reparle la semaine prochaine, boys.